Chapitre 49e. En arrivant à Condé-le-Châtel, M. de Carquebus courut chez lui, mais on lui répondit que M. le substitut venait de sortir pour se rendre au palais de justice. Il n'était que 10h03 et M. de Carquebus savait que l'audience ne commence qu'à 11h. Il courut donc au palais qui se trouve installé dans les bâtiments du vieux château, approprié tant bien que mal au service public de l'arrondissement, tribunal, mairie, sous-préfecture. Comme ce château est bâti sur un petit monticule, on l'aperçoit d'assez loin en montant les rues qui de la ville viennent déboucher sur son esplanade plantée d'arbres. Arrivé au haut de la rue qu'il suivait, M. de Carquebus aperçut son neveu devant un de ces arbres, debout, les bras croisés, la tête haute, dans l'attitude d'un homme qui regarde loin avec attention comme pour chercher un point dans l'espace. Que pouvait-il regarder ainsi? C'était à peine si l'on reconnaissait les cils bleuâtres des collines de Rudemont. Denise, ah oui, c'était Denise qui en ce moment se tenait dans le pavillon du tour du parc. Comme M. de Carquebus se disait en souriant que c'était vraiment une bonne œuvre de guérir d'un amour si bête un garçon de 25 ans, Louis étendit le bras dans l'espace et à grands pas il se dirigea vers la porte du palais. M. de Carquebus le suivit. Comme il était bien connu du garçon, celui-ci le laissa arriver jusqu'auprès de M. le substitut qui était en train de revêtir sa robe. « Lis cela !» dit M. de Carquebus en présentant à son neveu la lettre de Balbine. « Mais, mon oncle, il faut que j'aille à l'audience. Une minute te suffit. Tu ne regretteras pas le temps que tu m'auras donné. Tu verras que tu es un oncle qui pense à toi. » Louis prit la lettre et commença à la lire, mais à la troisième ligne, il s'arrêta pour regarder son oncle. En voyant la mine narquoise de celui-ci, il comprit ce qu'il avait lu. Alors, lui rendant la lettre d'une main tremblante, « Cette lettre ne me regarde pas, » dit-il d'une voix rauque. « Veux-tu faire la bête ?» s'écria M. de Carquebus. « Voilà une lettre qui m'a coûté les yeux de la tête. Je l'ai achetée pour toi, dans ton intérêt, parce que tu es mon neveu, et tu ne la lirais pas. » « On m'attend à l'audience, » dit Louis, qui avait repris son flegme de magistrat. Mais M. de Carquebus lui barra le passage. « J'ai vu que tu aimais cette petite, » dit-il avec volubilité. « Je me doutais qu'elle n'était pas la fille d'Arthur. J'ai obtenu la preuve que mes soupçons étaient fondés. » Je t'apporte cette preuve afin que tu ne t'embarques pas dans un mariage qui ne serait pas ce que tu as cru. Ne fais pas la belle âme. Aime si ça t'amuse, mais n'épouse pas. » À ce moment, la porte s'ouvrit du dehors et le garçon annonça que M. le Président attendait M. le Substitut. « Ce n'est pas la fille du marquis de Rudemont que j'aime, » dit Louis. « C'est Denise. Je ne veux pas lire cette lettre qui ne peut rien changer à mes sentiments. Mais tu es donc un niais. Je te dis qu'elle n'est pas la fille d'Arthur et que je vais le prouver à celui-ci. » « Oh, monsieur !» s'écria Louis, mais aussitôt imposant silence à son indignation et posant sa toque sur sa tête d'un geste mesuré. « Je vais tout à l'heure porter la parole contre des malheureux qui sont moins criminels que vous, monsieur. » Et sans se retourner, il sortit, laissant M. de Carquebus étouffant de colère. « Le niais, l'imbécile, la belle âme, à son âge ! Mais l'amour rend donc les gens complètement idiots !» Heureusement, le marquis n'était pas amoureux, et il serait moins bête. Cette réflexion le consola, et il se mit en route pour Rudemont, riant tout bas de la mine qu'allait faire Arthur en reconnaissant qu'il n'était pas le père de cette petite fille qu'il adorait. 3 000 francs et le dîner en plus, vraiment, ce n'était pas trop cher. D'autant mieux que le dîner était excellent. Et la petite déesse, qu'allait-elle dire en recevant là-bas qu'il lui apportait? Allons, décidément, il avait fait un bon voyage. Précisément, la petite déesse fut la première personne qu'il aperçut en rentrant au château. Elle était à sa fenêtre. Elle descendit, et venant devant de lui dans l'escalier, elle lui fit signe de loin de la rejoindre dans un petit salon où elle entra vivement. « Vous avez la lettre ? » dit-elle à voix basse et en arrêtant nettement ses démonstrations de tendresse. « Oui. » « Eh bien, je vous engage à la communiquer sans retard au marquis, qui est dans son appartement. Il me semble bon que vous fassiez la chose avec l'empressement d'un grand zèle. En même temps, il me paraît bon aussi qu'il ignore que vous avez vu quelqu'un ici avant lui. Il faut qu'il croie que vous êtes entré chez lui en arrivant. Me jugez-vous assez simple pour lui parler de ma petite déesse? Je serai déjà trop mêlé à cette affaire, par cela seul que vous serez obligé de dire que vous tenez cette lettre de mon mari. Pourquoi le dire? Parce que vous ne pourrez pas le cacher. Mais vous pourriez peut-être expliquer que c'est en dînant avec le capitaine, pour qui je vous avais donné une lettre, qu'il a été question de Denise. Alors, le capitaine, un peu lancé, aurait parlé de la naissance de l'enfant en termes ambigus. Vous, bien entendu, vous l'auriez pressé, et de telle sorte que, mis au pied du mur, il n'aurait pas pu faire autrement que de vous livrer cette lettre. Mais c'est à peu près ainsi que les choses se sont passées. C'est dans un dîner et un bon encore. Alors c'est parfait. La partie vraie donnera le cachet de la vraisemblance à la partie fausse. D'ailleurs, avec vous, il n'y a rien à craindre. Vous êtes si habiles pour inventer des histoires, vous autres hommes. Allez, allez vite. » Il voulut lui donner la bague. Il voulut lui parler de sa flamme. Elle le poussa doucement vers la porte. « Demain, dit-elle, à 2 heures. Comment demain, quand j'ai mis tant de hâte à revenir près de vous? Et moi? Croyez-vous que je n'ai pas hâte d'apprendre ce que vous avez fait à Paris, et aussi ce qui va se passer tout à l'heure entre vous et le marquis? Mais dans la lutte que vous venez d'entreprendre, vous ne pouvez réussir que s'il est bien évident que vous n'avez pas eu d'alliés. Si l'on venait à prendre la faible part que j'accepte dans tout ceci par amitié pour vous, le marquis croirait un complot, et cette lettre perdrait toute valeur à ses yeux. Soyons donc prudents, c'est votre intérêt que je ménage. À demain. À demain, mon ange. Mon ange. À demain, ma petite femme. » Et pendant que M. de Carquebus se dirigeait vers l'appartement du marquis, Clémence remontait auprès de Denise. Jamais M. de Carquebus ne s'était senti si dispos, si plein d'espérance et d'assurance. Enfin, il tenait sa vengeance. « Comment, c'est vous, mon cousin ? » dit le marquis en le voyant entrer. « Déjà de retour ?» M. de Carquebus était composé une figure sévère. Il avait pris une attitude désolée. « Des circonstances indépendantes de ma volonté, dit-il d'une voix lamentable, ont abrégé mon séjour à Paris. Vous avez joué ? » demanda le marquis, prévoyant un emprunt. « S'il ne s'agissait que d'une perte d'argent, vous me verriez moins affligé. Que vous est-il donc arrivé ? Il n'est pas question de moi, mais de vous. Et c'est bien là ce qui me désole. De moi. » Alors M. de Carquebus répéta mot à mot l'histoire qui lui avait été soufflée par Clémence. « Comment, porteur d'une lettre de celle-ci, il avait été voir le capitaine Beaujonnier? Comment ils avaient dîné ensemble? Comment, la langue déliée par le vin, celui-ci avait parlé de l'élève de sa femme? Comment il avait lancé des insinuations étranges à propos de la naissance de Denise? Comment lui, Artem, s'était fâché en entendant ses propos? Comment alors le capitaine, pour sortir d'embarras, avait prétendu avoir en main une lettre qui confirmait ses insinuations? Comment enfin, mis au pied du mur, il avait été forcé de livrer cette lettre? « Quelles insinuations, quelles lettres ? » demanda le marquis impatienté. « Une lettre qui ne tendrait à rien moins qu'à prouver que vous n'êtes point le père de Denise, comme vous le croyez. » Le marquis se leva d'un bond, menaçant, terrible. « Et qui vous a dit ? S'écria-t-il que je me croyais le père de Denise ? Mais mon cousin, balbutia M. de Carquebus effrayé. « Qui vous l'a dit ? Qui vous l'a dit ? Mais je pensais, je croyais. Vous avez pensé que cet enfant menaçait votre situation ici ? Et vous avez misérablement inventé cette histoire que vous venez de me raconter avec cette mine hypocrite. Je vous jure, vous jurez, vous, devant moi !» Ces quelques mots furent lancés avec un mépris si écrasant que M. de Carquebus resta durant quelques secondes aplati. « Si vous ne croyez pas ma parole, dit-il enfin, vous croirez sans doute cette lettre. Une lettre que ce misérable capitaine vous aura écrite pour quelques centaines de francs. Ce n'est pas le capitaine qui l'a écrite, mais c'est à lui qu'elle a été adressée par une amie d'Emma Lajolais. La comédienne Balbine, lisez au moins. » Disant cela, il posa la lettre ouverte devant le marquis, mais celui-ci la repoussa. « Vous devez écouter ma défense, dit M. de Carquebus, et ne pas repousser mes pièces. Que m'importe votre défense ? » Cependant, après un moment d'hésitation et de lutte avec lui-même, il se décida à lire cette lettre. En première ligne, il pâlit, et la lettre trembla dans ses doigts comme une feuille au bout d'une branche en un jour de bourrasque. Il fut obligé de la poser sur son bureau et de se tenir la tête entre ses deux mains. Mais tout à coup, la relevant et se redressant dans sa grande taille, les bras croisés, la tête haute, devant M. de Carquebus, qui instinctivement recula. « Ainsi, s'écria-t-il d'une voix tonnante, ce qu'on m'a dit 100 fois est donc vrai. Vous voulez mon héritage, et comme vous vous imaginez que cet enfant va vous en priver, vous machinez contre elle cette infamie, et d'un air pleureur vous m'apportez cette lettre. Vous croyez ainsi, n'est-ce pas, briser les liens qui m'attachent à elle? Eh bien, écoutez ceci. Si je pensais que la terre de Rudemont n'eût jamais passé dans des mains comme les vôtres, j'aimerais mieux brûler moi-même ces forêts. Vous, vous héritier de Rudemont, ce serait encore plus ridicule que honteux. Je vous accueille ici par pitié, par charité, et voilà comment vous m'en récompensez, par la lâcheté. » Monsieur de Carquebus était peu à peu rapproché de la porte. « Allons !» s'écria le marquis en se penchant sur lui. « Sortez d'ici, sortez, si vous ne voulez pas que je vous chasse à coups de botte !» Monsieur de Carquemus ne jugea pas prudent de continuer cet entretien qui avait pris une tournure si différente de celle qu'il avait crue. « La douleur vous égare, » dit-il, et en trouvant la porte, il se glissa dehors. Alors le marquis, revenant dans son bureau, se laissa tomber sur un fauteuil et se cacha la tête entre ses deux mains. « Oh, Denise, la pauvre enfant !»